La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série consacrée à l'écrivain américain James Baldwin dans la compagnie des auteurs, une émission proposée par Laurane Travaglichanal, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Tiffaine Malfette, Rafik Zénine et Pierrick Monsigny. C'est en France que James Baldwin est mort en 1987 à l'âge de 63 ans. Il y avait émigré une première fois pour ne plus subir la ségrégation, puis il y était retourné aux États-Unis afin de se tenir aux côtés de sa famille et de ses frères noirs avant finalement de revenir s'installer à Saint-Paul-de-Vence. Né de père inconnu et élevé par un prédicateur très rigide envers lui, il a eu à l'égard de la religion une attitude ambivalente, faite de rejet pour le mensonge que l'Église représentait à ses yeux, autant que d'une attirance pour son rituel et pour la chaleur des catholiques de Harlem. C'est ce que nous a raconté hier Virginie Depardieu dans une émission à réécouter, comme vous le savez, en podcast. Et puis demain, en première partie, nous nous attacherons à lier politique et homosexualité dans l'œuvre de James Baldwin, comme il le faisait d'ailleurs lui-même. Ce sera avec l'universitaire Jean-Paul Rocky. Et en seconde partie, nous parlerons de son roman « Si Bill Street pouvait parler », ce sera avec l'écrivaine Geneviève Brisac. Enfin jeudi, en première partie, Félix Baudio-Evangé-Épée viendra évoquer l'essai intitulé « Chasser de la lumière ». Ensuite, la metteuse en scène Élise Vigier nous parlera du roman « Harlem Quartet » qu'elle a adapté pour le théâtre. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler politique, droit civil et aussi de l'essai de Baldwin, La prochaine fois le feu, qui est un plaidoyer pour l'égalité. Nous sommes en votre compagnie, Samuel Légitimus. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes comédien, metteur en scène, traducteur, musicien. Vous avez fondé en 1993 le collectif James Baldwin et vous êtes depuis longtemps un grand lecteur de Baldwin. Depuis combien de temps d'ailleurs ? Depuis 1993. Ah, vous avez lu et fondé tout de suite le collectif. Non, c'est vrai. Peut-être quelques mois avant. Mais j'ai vraiment été stupéfié par cet auteur. En fait, je sortais d'une grande école de théâtre, l'école de Jérôme Savary, première promotion. Il était arrivé à Chaillot. Et donc, on a eu 2 ans d'école à la Fame où on a travaillé sur l'identité, sur Shakespeare, Tchekhov, sur... on a travaillé le chant, la danse et tout ça. Et au bout de 2 ans, vous êtes rempli, vous avez dormi dans ce théâtre. Vous avez vraiment vécu auprès de 20 personnes qui étaient vouées à leur métier. Et vous sortez de cette école, mais plein d'envie de... d'en recoudre avec le monde proposé. Et en fait, le monde, vous avez une porte qui se ferme brutalement sur votre nez. Mm-hmm. Quand vous allez au casting, vous n'avez pas la bonne couleur, vous avez le bon âge, mais on vous dit non, on n'a pas demandé des comédiens noirs. Ou alors, quand on demande des comédiens noirs, c'est spécifiquement pour jouer des rôles de noirs. Prenez l'accent noir. Je leur demande, mais ça veut dire quoi, prendre l'accent noir? Ils me font, vous savez, vous roulez les airs, vous êtes là. Et je dis, mais ça ne correspond à rien. Mm-hmm. Mais si, mais tu te poses trop de questions. Et donc, j'ai commencé à avoir peur. Une fois ça va, 5 fois, 10 fois. Et donc, je me suis dit, non. Ces gens-là vont me salir ma passion, qui est le métier. Il faut que je trouve des témoins, des gens qui ont vécu la même expérience que moi. Et c'est là que je suis parti en quête d'auteur. Donc, je suis tombé sur Baldwin. Vous êtes tombé sur Baldwin et vous avez créé ce collectif, mais vous auriez pu finalement prendre d'autres auteurs noirs. Vous avez choisi celui-là en particulier. C'est bien qu'il doit y avoir une raison. Oui, bien sûr. Je les ai quasiment tous lus. Hein. J'ai pris une année sabbatique et vraiment j'étais en quête. En quête d'armes pour mon voyage dans le métier. Et pour moi, ça a paru évident. Quand j'ai commencé à lire, je suis tombé sur cette pièce, Le coin des Amen, traduit par Marguerite Yourcenar en 83. Première pièce de Baldwin qu'il a écrit quand il était à Paris dans les années 40. 50 plutôt. Et le personnage de David, le jeune fils de cette prêcheuse très austère qui a fui l'amour, qui a fui la vie et qui impose une sorte de rigueur à sa communauté et à son fils. Ce fils a des velléités de joueur de jazz. Mm-hmm. Et donc, sans le dire à sa mère, il va dans les quartiers, il va retrouver son père, qui est censé les avoir abandonnés, ce père qui est joueur de blues, qui va lui raconter une autre histoire. Et donc, le conflit dans cette pièce, c'est pour ce jeune homme, quel est le monde qu'il faut que je rejoigne ? Le monde profane ou le monde sacré ? Et en fait, la morale, c'est, tu n'as pas à choisir. Tu dois choisir les deux et tracer ta route. Et j'étais exactement dans ce conflit. Ça veut dire que j'étais né en France, donc j'avais toute cette culture française, et à la fois j'avais toute cette histoire noire. Je viens d'une famille d'artistes qui sont là quand même depuis très longtemps. Oui, votre grand-mère, je crois, avait déjà fondé un théâtre en 37 à Paris, un théâtre noir. Mmh. Et puis vous avez également, alors celui qu'on a appelé, paraît-il, le Jaurès noir, oui, qui était le député socialiste de la Guyane. Non, de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, pardonnez-moi. D'ailleurs, on fête le 150e de sa naissance il y a une semaine. Et bien sûr, il y a un silence criant sur cet homme qui était un vrai homme d'État, un homme politique, un homme plein d'idées. Alors, je voulais quand même revenir au fait que vous ayez plus particulièrement choisi finalement de travailler sur Baldwin, mm-hmm, et pas sur d'autres écrivains noirs qui pourraient défendre les mêmes perspectives. Est-ce que le fait que Baldwin soit un noir américain, ça change quelque chose pour vous ? Oui, peut-être. Peut-être parce que j'ai pu revenir à moi par la bande. Quelque part. Parce que être un Antillais à Paris, c'est poser un problème, pour moi, à l'identité française. Il y a une sorte de relégation sur le côté quand on est français et qu'on veut s'imposer en acteur noir de France. Et donc, je l'ai tout de suite vu, hein, quand je vous dis dans les castings, dans les choses comme ça, je sentais bien qu'il y avait ce problème, ce dilemme. Et quand j'ai lu Baldwin qui m'expliquait que chez lui, ça avait été à peu près la même chose, je me suis dit, mais voilà, je vais essayer déjà de voir ce qui se passe ailleurs pour revenir à moi-même. Alors, sur la spécificité d'être noir en Amérique, je vous propose d'écouter James Baldwin. Je dirais d'être noir américaine, c'est pas la même chose qu'être noir n'importe où dans le monde. La première chose, c'est que tout le monde oublie qu'on est né, on ne se rend pas compte qu'on est noir. Mm-hmm. Il faut que quelqu'un vous explique ça un jour. Il t'appelle ça nègre quand tu as 5 ans, 4 ans, 7 ans. On ne demande pas pourquoi on m'appelle nègre, mais on demande comme s'il n'y a rien passé. Qu'est-ce que ça va dire, ça, nègre? Mais évidemment, le père et la mère comprennent très bien qu'est-ce qui est arrivé. Et il essaie de te faire comprendre que c'est qu'un mot. Mais il y a quelque chose qui a déjà commencé. On se rend compte qu'on est méprisé, on ne sait pas pourquoi. On se rend compte qu'on se trouve en danger, on ne sait pas pourquoi. Et on se rend compte, ce qui est pire, que ta mère, ta père, eux aussi sont condamnés de façon très, très mystérieuse. Donc personne ne peut te faire comprendre, même pas la mère et le père. Et on commence à se demander si on ne mérite pas cette condamnation. Et c'est là où le drame commence, quand on commence à mépriser soi-même. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, Baldwin met l'Amérique à part quand il traite de la question du racisme et des discriminations, notamment quand il dit que l'Amérique, c'est, je le cite, un peuple infantile, incapable de verbaliser ses problèmes. Comment entendez-vous, Samuel Legitimus, ce jugement, cette phrase ? L'Amérique, en fait, pour Baldwin, vit sur une illusion d'être un pays blanc. Alors que pour Baldwin, il l'a compris par une quête vraiment intérieure, que l'Amérique est un pays métis, est un pays, et que les Afro-Américains furent parmi les premiers peuples à toucher la rive américaine. Et donc, il a autant le droit que les Américains blancs à cette terre. Il a dit, de toute manière, il y avait des Indiens qu'on a tout décimé, mais je suis arrivé même avant le Mayflower, puisque les premiers Africains sont arrivés avec les Espagnols avant le Mayflower. Donc, il dit, ces Américains n'ont jamais réellement compris ou voulu faire face à leur arrivée, leur histoire. Il n'y a pas une sorte de course effrénée vers la liberté de tous les peuples européens. Aller aux États-Unis, c'est défendre la liberté. Non, c'est des gens qui crevaient de faim, qui avaient faim. Et il le dit avec ironie, tous les gens qui avaient réussi n'étaient pas montés dans le Mayflower. Mmh. Et toute cette histoire, tout ce démêlage de l'origine des États-Unis et de ce peuple américain qui a cet idéal et qui s'appelle États-Unis et que Baldwin appelait les États désunis, qui ne sont pas encore unis, eh ben, il en appelait à revisiter ce fond d'histoire et que l'on soit tous d'accord sur qu'est-ce qui fait l'Amérique au départ. D'histoire et puis aussi de mythes. Oui, il parle de la malédiction biblique du Cham. Je ne sais pas si vous avez en tête ce que disait Baldwin à ce sujet. Ben, Cham, et on l'a aussi en Europe. Ça veut dire que un enfant de Noé l'aurait vu nu, Cham, et donc il a été maudit par Noé jusqu'à la fin des temps à ce que sa descendance soit esclave des autres. Et donc, ça a été complètement importé au moment où, pendant l'esclavage, il a fallu une justification morale. On ne pouvait pas faire d'êtres humains des animaux ou des esclaves si on reconnaissait qu'ils étaient des hommes. Donc, il fallait trouver des justifications, bien sûr, philosophiques, racialistes, mais aussi dans la Bible. C'était inscrit dans la Bible que vous étiez dans cette condition et que vous étiez à cette place. Donc, on a raison de vous utiliser comme on vous utilise. Donc, on le comprend, Samuel Legitimus. Pour vous, Baldwin demeure le grand écrivain de la question raciale et identitaire. Mmh. L'écrivain, pour vous, indépassable et aussi indispensable, plus encore que Richard Wright, qui était le mentor de Baldwin dans ses jeunes années, et que vous considérez aussi comme étant quelqu'un de très important. Totalement. Vous me demandiez en début d'émission pourquoi Baldwin. Parce que Baldwin vous ramène à cela, alors que cela ne vous ramène pas forcément à Baldwin. Richard Wright, par exemple, on le sait, n'aimait pas la sexualité de Baldwin. Et donc, quand vous lisez Richard Wright, qui est venu avant, c'est la génération d'avant Baldwin, hein, Richard Wright est un sudiste. Il est venu à Paris aussi. Il est venu, d'ailleurs, lui aussi des à raisons Paris. Pour lesquelles Baldwin est venu à Paris. Bien sûr, bien sûr. Richard Wright, pour lui, justement, était l'écrivain noir le plus connu au monde, et c'était celui qui lui avait révélé qu'il était possible, en étant noir, de devenir un écrivain. Mais il y a cette rivalité donc de génération qui fait que Baldwin, c'est le jeune loup. Baldwin, comme son meilleur ami de l'époque, Marlon Brando, c'est quelqu'un qui va vous révolutionner un art. Lui, le roman, Brando, le cinéma, le théâtre, le jeu. Baldwin, c'est celui qui dit « D'accord, j'ai tout lu Wright, j'ai tout compris Wright, mais moi, je suis d'une génération qui veut ouvrir la voie, qui veut essayer de comprendre comment on peut tous s'unir. » Parce que ce combat facial tout le temps et cette opposition, elle est nécessaire, mais moi, je suis d'une autre génération qui a besoin d'y croire. Donc, il va mener Wright à ses retranchements. Et puis, il est aussi, peut-être, je ne sais pas si c'est une question de génération, en tous les cas, il aspire à devenir un écrivain avant d'être un militant. C'est en tout cas, me semble-t-il, l'objet de ce qu'on a appelé l'affaire Richard Wright. Peut-être que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit, Samuel Legitimus. En fait, quand Baldwin est arrivé à Paris, le 11 novembre donc 1948, on fête le cinquantenaire de cette arrivée. Enfin, l'année prochaine, excusez-moi, on va fêter les 70 ans, parce que le collectif, on prépare déjà des événements. Mmh. Eh bien, la première personne sur qui il tombe, c'est Richard Wright, au Domago, qui lui fait « Hey boy », qui va lui trouver un hôtel, etc. et qui va lui présenter le directeur d'une revue qui s'appelle Zero. Et Wright dit « Il écrit bien, vous devriez le publier dans votre revue. » Et Baldwin, quelques mois après, leur offrira son essai de libération. Oui, mais qui ne va pas du tout justement faire plaisir à Wright. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je pense que Wright, quelque part, aurait pu comprendre s'il n'était pas lui dans une situation quasi schizophrène et quasi paranoïaque de croire que tout le monde lui en veut. Et quand vous êtes premier tout en haut, tous les jeunes écrivains qui arrivent veulent votre couronne. Pour que tout le monde comprenne, dans cet article, Baldwin considère qu'il faut remettre un petit peu en cause la littérature engagée, dans le sens où elle n'est pas forcément de l'art à proprement parler. Oui, toujours. Que c'est de la propagande et que c'est les bons sentiments, parce qu'il attaque avant tout, non pas Wright, mais Harriet Beecher Stowe, l'auteur de La case de l'oncle Tom, un bouquin qu'il a adoré quand il était jeune. Hein. Il l'a lu à s'en abîmer les yeux. Mais plus grand, il a compris que c'était un très mauvais roman. Parce que cette femme était dans une sorte de démonstration moralisante et voulant bien montrer combien il était dur de mettre ces pauvres noirs en esclavage. Et Baldwin disait non, en faisant ça, vous évitez de nous raconter la complexité humaine où un être humain peut être beau, peut être mauvais, dans toute cette complexité. Et Baldwin, c'est dans cette ambiguïté de sentiment, d'émotion qu'il travaille, lui. En même temps, on parle d'un livre du 19e siècle, oui. Un des livres qui s'est le plus vendu à l'époque, je crois, avec la Bible aux États-Unis, et qui est tout de même un livre anti-esclavagiste à une époque où il y a évidemment la prégnance de l'esclavage. Donc c'est un livre qui peut faire débat quand on le reprend dans son contexte du 19e siècle. Qu'est-ce que Baldwin pensait de cela ? Oui, mais il l'a vu une femme blanche, honnête, sincère, mais qui avait une sorte de motto qui était « Vous devriez avoir honte de ce sorte de sort que vous faites à ces pauvres noirs. Regardez comme ce sont quasiment des saints. » Et Baldwin disait « Arrêtez. Arrêtez de nous enfermer dans le rôle de l'oncle Tom. L'oncle Tom, le bon, le gentil, tous les clichés. Et d'ailleurs, c'est devenu un cliché tout le long du 20e siècle, oncle Tom. Et oncle Tom, il est gentil et il est apprécié parce que vous lui enlevez son sexe. Parce que vous l'appelez justement oncle. Si vous enlevez, comme dit Baldwin, oncle, ça devient Tom. Et là, c'est le noir, c'est l'homme dangereux. Compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de James Baldwin avec vous, Samuel Legitimus. Alors c'est vrai que cette affaire Wright, elle est arrivée à Paris. Il y a eu quand même une importance de Paris pour Baldwin. Est-ce que vous considérez que la France finalement a un peu oublié aujourd'hui James Baldwin? Ou est-ce qu'au contraire, il vous semble que quand même, c'est un pays qui a pu le soutenir dans sa démarche pour plus d'égalité et pour plus de droits civiques? Tout ça est terriblement ambigu. James Baldwin n'est pas venu à Paris. Hein. Je veux casser quelques mythes. James Baldwin a fui les États-Unis. Il le dit lui-même. Hein. Il aurait voulu aller dans un pays africain, mais à l'époque, ça n'existait pas, les pays africains en 48. Il avait même pensé à un moment donné aller en Israël, de vivre dans un kibbutz, et finalement, il a changé d'avis. Et c'est finalement en se rappelant effectivement que Wright y était, que Josephine Baker y avait été, que les jazzman, c'était une. Et qu'il avait, comme vous le disiez hier, Kunti Kullen, comme professeur en école primaire, qui était prof de français, et qui lui vantait Paris, qui lui avait fait lire Balzac. Il avait l'impression, en lisant Balzac, d'avoir la cartographie un peu de Paris. Mais il arrive sans illusion sur les Français. Il arrive sans illusion, il a 40 dollars en poche, il ne sait pas du tout comment il va vivre, et les deux années de Baldwin sont dans un silence. Et il le dit lui-même, les Français ne m'ont pas sauvé la vie, ils m'ont foutu une paix royale. Oui. ça veut dire que les Français n'en avaient rien à fiche de lui. Et ça lui a, ça, il les remercie pour ça. Parce qu'il avait besoin qu'on ne s'occupe pas de lui. Ni dans le mauvais sens, ni dans le bon sens. Il en avait marre de l'assistana qu'il avait connue dans son enfance. Toutes les, ses assistantes qui venaient à la maison pour venir en aide aux pauvres noirs. Donc, c'est à Paris, effectivement, qu'il a pu commencer à réfléchir à lui-même, à son pays, à ce que voulait dire être un homme noir, que voulait dire être un blanc américain, ce que voulait dire être français, puisqu'il les regardait, ce que voulait dire être un africain, ce que voulait dire être un antillais. Et donc tout cela est venu en résonance et il a écrit des choses qui finalement deviendront ses essais parisiens, mais qui n'étaient avant tout que des articles pour survivre, qu'il envoyait à des journaux, qui lui renvoyait un petit chèque. Et il est devenu essayiste. Il le dit lui-même, je n'ai jamais essayé de faire des essais. J'ai écrit mes ressentis, mes interrogations. Et Paris, en cela, a été vraiment son terrain de jeu pour se construire. Très, très important, la place de Paris, 9 ans de Paris. Mais effectivement, pour répondre à ta question, Paris l'a oublié. Mmh. Paris l'a totalement oublié. Vous dites aujourd'hui ? Aujourd'hui, comme hier, comme depuis sa mort, 30 ans, le collectif, donc ça fait 25 ans qu'il existe et qu'il se bat. Depuis 2 ans, c'est la première fois qu'on a des oreilles attentives sur Baldwin. Mais avant, on nous disait, mais lâchez cet auteur, il est vieillot, il ne sert à rien. Alors, il faut peut-être préciser quand même qu'il y a eu des rééditions en ce moment font beaucoup pour qu'on reparle de Baldwin. Harlem Quartet est réédité chez Stock. Sibyl Street pouvait parler également chez Stock. Et puis, Laissez la prochaine fois le feu, dont on va parler un peu plus loin dans cette émission, également réédité chez Folio Gallimard dans une préface accompagnée par une préface de Christiane Taubira. Et puis, il y a aussi ce film de Raoul Peck dont on peut peut-être dire un mot, Samuel Legitimus, un film qui vient d'ailleurs d'être primé et qui paraît sous la forme d'un livre aux éditions Robert Laffont. C'est un film qui, au départ, aurait dû être un livre que Baldwin devait écrire lui-même, oui. Samuel Legitimus. Ouais, oui. C'est un livre que Baldwin aurait dû écrire et qu'il a eu du mal à écrire au vu de ce traumatisme de la mort de son ami Martin Luther King. Donc c'est un film sur la mort, un livre qui traite de l'Amérique au travers de la mort de 3 leaders qui étaient ses amis, Medgar Evers, qu'on connaît beaucoup moins, Malcolm X et Martin Luther King. Mais ce livre-là, qui s'appelait Remember This House, c'est un jeu de mots, puisqu'il y a le remember, se rappeler, mais le remember, remembrer la maison. Amérique. Il n'a pas pu l'écrire, en fait. Il a laissé derrière lui un synopsis de 6 pages. Et Raoul Peck, qui avait l'intention, lui, il a connu Baldwin à 19 ans, Raoul. Et Baldwin l'a accompagné toute sa vie. Et il voulait vraiment écrire quelque chose, faire un film sur Baldwin. Mais il ne savait pas quoi. Et quand il a contacté la famille, la sœur de Baldwin, Gloria, qui gère les droits, avait vu son film Lumumba. Et elle avait vécu cette période très intensément parce qu'elle était femme d'un diplomate de Sierra Leone à l'époque. Elle les connaissait vraiment, Lumumba, etc. Et donc, elle a vu que c'est un homme honnête. Et donc, elle l'a fait venir à Washington chez elle et elle lui a ouvert le droit à toutes les archives. Puisqu'on parle de cinéma, puisque vous êtes acteur, on peut peut-être aussi dire un mot sur le fait que Baldwin aurait rêvé d'être acteur. C'est un métier qui l'attirait énormément. Avec son ami Marlon Brando, en 43, ils ont suivi des cours de théâtre et Baldwin aurait adoré être un acteur. Il aurait adoré avoir une caméra 16 mm pour faire des films expérimentaux. Et d'ailleurs, vous me parlez d'I Am Not Your Negro, le documentaire, mais on découvre dans ce documentaire le critique cinématographique de James Baldwin. Comment il a cet œil pour la place du noir dans les films de Hollywood. Et voilà, il y a un livre qui s'appelle « The Devil Finds Work », « Le diable trouve du boulot » sur toute une critique de Baldwin du cinéma d'Hollywood allant de « Naissance d'une nation » à « L'exorciste ». mais qui n'est pas traduit. Mais lui-même a travaillé un petit peu pour Hollywood, je crois. Il a travaillé pour Hollywood plusieurs fois, il a travaillé pour Broadway, et il savait, quand il était en conférence, ponctuer ses textes comme un acteur. Un prêcheur est avant tout un acteur aussi. Alors je voudrais vous faire écouter Samuel Legitimus avant d'aller plus loin. Un extrait d'un texte de Baldwin, et puis vous allez nous donner votre sentiment sur cet extrait. Il s'agit de L'homme qui meurt. C'est dans le métro que je fis connaissance avec les différents quartiers de New York. Et c'est dans le métro que je ressentis pour la première fois ce que l'on pourrait appeler une terreur civique. Je remarquai très vite qu'après que le train eut dépassé un certain point, en allant vers le centre ou en revenant, tous les gens de couleur disparaissaient. La première fois que j'observais ce phénomène, je fus pris de panique et je perdis la tête. Je me précipitai hors du wagon, terrifié à l'idée de ce que ces blancs allaient me faire, alors qu'il n'y avait dans les parages aucun noir pour me protéger, ni même pour me gronder ou me battre. Au moins, le contact de leurs mains m'était familier, et je savais qu'en fin de compte, ils n'avaient pas l'intention de me tuer. Et je montais dans un autre convoi pour la simple raison que j'y avais vu un noir. Mais presque tous les autres voyageurs étaient des blancs. Le train ne s'arrêtait à aucune des stations que j'eusse déjà vues. Ma frayeur grandissait sans cesse. J'avais peur de descendre du train et peur d'y rester, peur de dire la moindre parole à l'homme, de peur qu'il descende du train avant que j'aie pu lui dire quoi que ce soit. Il était ma planche de salut. Il était là, sous la forme inaccessible et effrayante que le salut prend si souvent. Next stop, Columbus Circle. Samuel Legitimus, votre sentiment sur cet extrait ? C'est caractéristique de Baldwin. C'est de nous emmener à travers son personnage dans une expérience intime qu'on n'a pas l'habitude de vivre et qu'il faut être noir pour vivre. C'est ces petits riens qui font que une réalité pour d'autres, pour la majorité, devient toute une aventure quand vous êtes dans une minorité. Cet homme qui dans le métro se sent oppressé parce qu'il est le seul noir, on l'a tous vécu en tant que noir. Mais tous, qu'on le veuille ou non. Et en même temps, il n'est pas dans une quelconque accusation. Non. Il est simplement dans la description de ce qui se passe dans sa tête et de la façon dont il perçoit l'environnement autour de lui. Mais il faut être clair. Chez Baldwin, il n'y a jamais aucune accusation. Il y a une colère. Parce qu'à force de répéter, de seriner les mêmes choses pendant des années, eh ben, on se durcit. Mais Baldwin, avant tout, c'est un questionnement. C'est une manière de nous montrer les choses qu'on ne veut pas voir ou de dire les choses qu'on ne dit pas souvent pour essayer d'élargir notre réalité et de nous mettre à la place de l'autre. Qu'elle soit femme, homosexuelle, noire, algérien, etc. Et tout, c'est la plupart de ses protagonistes dans les romans, vous me demandiez par rapport à son envie d'acteur, tous ces protagonistes sont des artistes. Mm-hmm. Il y a des jazzman, il y a sculpteurs, des musiciens, aussi. Il y a l'acteur dans L'homme qui meurt. Voilà, dans L'homme qui meurt, vous avez un acteur qui meurt qui tombe d'une crise cardiaque et qui va se remettre pendant tout un bouquin et qui va retourner en arrière pour comprendre d'où il vient et qu'est-ce qu'il lui reste à faire quand il est appelé à la fois à être un acteur et un porte-parole des droits civiques. Samuel Legitimus, on continue de parler de ça en seconde partie, mais tout de suite sur France Culture, c'est le moment d'En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues aujourd'hui avec le magazine L'Express, représenté par vous-même, Marianne Payot, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler aujourd'hui du grand livre de Philippe Lançon, Le Lambeau, publié par Gallimard, un livre qui est aussi un phénomène. Oui, tout à fait. Le livre était à peine en librairie que toute la presse, d'ailleurs, s'est enflammée pour le récit de Philippe Lançon. Extraordinaire, splendide, chef-d'œuvre, sidérant. Les qualificatifs ont fait florès. Et les premiers lecteurs ont afflué d'ailleurs. Le livre était dimanche dernier en tête des ventes sur la plateforme d'Amazon. Et il sera en troisième position sur la prochaine liste des best-sellers de l'Express. Oui, vraiment, Le Lambeau de Philippe Lançon, publié par Gallimard, est un livre phénomène. Et phénoménal. Pourquoi phénoménal ? Phénoménal parce qu'il raconte par le détail l'enfer. Soit l'attentat commis à Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, peu avant 11h30, par les frères Kouachi. Philippe Lançon, 55 ans aujourd'hui, en est l'un des rescapés. Critique culturelle à Libération, chroniqueur à Charlie Hebdo, il avait hésité ce matin-là entre les deux destinations, avant d'enfourcher son vélo et d'arriver en retard à la conférence de rédaction du journal satirique, située dans un immeuble, je le cite, aux allures de Lego, dans lequel on a envie d'entrer comme dans un lave-vaisselle ou un commissariat. Conférence de rédaction qui s'acheva par le carnage que l'on sait. 12 personnes tuées, dont 8 journalistes, 11 blessés. Phénoménal aussi Le Lambeau, parce que Philippe Lançon, blessé de guerre dans un pays en paix, y relate minutieusement les mois de souffrance de l'après-Charlie. Le menton et le quart de visage emportés par 3 balles, le journaliste va subir 17 opérations, passer des mois à l'hôpital de la Salpêtrière puis aux Invalides. De greffe en greffe, son perronné en guise de menton, de douleur en souffrance, le chemin de croix de l'auteur, pour reprendre goût à la vie, est des plus impressionnants. Phénoménal enfin ce livre, par son intelligence et son ton. Malgré les horreurs égrenées tout au long des pages, malgré les diverses et nombreuses digressions, on est envoûté par ce gros ouvrage de 600 pages bien serré. Car il n'y a là ni esprit de vengeance, ni larmoiement, ni sentiment de culpabilité, ni même appel à la haine, mais un stoïcisme bouleversant. Alors 600 pages, Marianne, est-ce qu'on ne se noie pas un petit peu dans ce livre tout de même ? Eh bien non, pas du tout. On a juste le sentiment d'avoir devant soi un témoignage hautement littéraire, hallucinant, fascinant, jusqu'à l'émergence d'un nouvel homme au visage et à la personnalité reconstruite. Philippe Lançon, dans ce livre, convoque tous ses souvenirs, tente de se rappeler le moindre détail, la moindre seconde, le moindre indice, le plus intime, la plus intime de ses sensations. Il l'écrit. Oublier le moins possible devient essentiel quand on devient brusquement un étranger à ce qu'on en a vécu, quand on se sent fuir de partout. De chaque détail dépendait la vie des morts et la suite de la mienne. En fait, Le Lambeau s'ouvre sur ce qu'il appelle sa vie antérieure, soit la veille du 7 janvier. Il est au théâtre, encore insouciant, avec une amie, pour assister à la représentation de La Nuit des Rois de William Shakespeare. Au nom d'un dieu, deux des personnages se décident à punir les hommes avides de plaisir. La veille aussi, ou presque, il a chroniqué le nouveau roman de Houellebecq, Soumission, dans lequel l'écrivain agite le fantasme de Poitiers, la peur des musulmans et l'arrivée au pouvoir des islamistes en France. Sont-ce là des signes ? Se demande aujourd'hui Philippe Lançon. Le matin même du 7 janvier, il prend un billet pour New York. Il doit bientôt enseigner à Princeton, y retrouver sa petite amie. Puis viennent les longs chapitres sur la tuerie. L'ensemble n'aura duré qu'un peu plus de 2 minutes. Et tout est devenu silencieux. Silencieux, se souvient Lançon. Autour de lui, la mort, le sang et cette image qui le hante, la cervelle de Bernard Maris sortie du crâne. À côté de l'horreur, alors que des morceaux de dents flottent dans la bouche de Lançon, des préoccupations saugrenues assaillent l'auteur, qui reste accroché à son caban, à son portable, à son sac. Puis, c'est l'hôpital. L'enfer de la douleur, la nouvelle vie de gueule cassée. Alors évidemment, on se demande comment peut-on survivre à cela ? Effectivement, ça paraît inimaginable. Mais Lançon va y arriver grâce à quoi ? Grâce à son étonnant caractère, tout de patience, sans rancune ni rage. Mais grâce aussi à Bach, à Velázquez, à Baudelaire, à Proust, à Kafka. Il affronte chaque opération en relisant la scène de la mort de la grand-mère dans La Recherche, les lettres à Milena de Kafka, ou encore La montagne magique de Thomas Mann. Lançon, c'est un intellectuel qui a besoin des mots pour affronter la douleur et le monde. Et grâce aussi, bien sûr, aux chirurgiens, au personnel soignant, à ses amis, à sa famille et à son frère Arnaud, devenu quasiment son jumeau et qu'il qualifie de directeur de cabinet pratique, administratif, social, intime. un frère qu'il redécouvre dans ce livre, dans la vie, comme il a redécouvert la vie. Merci beaucoup, Marianne Payot. Le Lambeau, c'est aux éditions Gallimard. Et puis je renvoie nos auditeurs au numéro de l'Express actuellement en kiosque, dans lequel on retrouve votre signature. À bientôt. Enemy of all tribes, known, unknown, past, present, or perhaps above all to come. Okay, I'm your nigger, baby, till I get bigger. You are my heart. Et vous écoutez toujours la compagnie des auteurs sur France Culture, au deuxième jour de notre série d'émissions consacrée à l'écrivain James Baldwin, né en 1924 à Harlem et mort à Saint-Paul-de-Vence en 1987. Il est l'auteur notamment de « La prochaine fois, le feu ». Et nous sommes en compagnie pour parler justement à présent de ce livre du fondateur du collectif Baldwin, Samuel Legitimus. Que veulent les Noirs ? Il m'est arrivé d'entendre des questions stupides dans ma vie, mais celle-là est sans doute la plus stupide et la plus insultante de toutes. Mais ce que je veux dire ici, c'est que les gens qui posent cette question et qui pensent la poser en toute bonne foi sont en fait les victimes de cette conspiration consistant à faire croire aux Noirs qu'ils sont moins qu'humains. Afin de pouvoir vivre, j'ai décidé très tôt qu'une erreur quelque part avait été commise. Je n'étais pas un nègre, même si c'est ainsi que vous m'appeliez. Or, si à vos yeux, j'étais un nègre, le problème avait à voir avec vous, avec quelque chose dont vous aviez besoin. J'ai dû très jeune prendre conscience que je n'étais aucune des choses qu'on disait que j'étais. Je n'étais pas, par exemple, heureux. Je n'ai jamais, pour toutes sortes de raisons, touché une pastèque. J'avais été inventé par les Blancs, et je savais déjà assez de choses à propos de la vie pour comprendre que lorsqu'on invente quelque chose, lorsqu'on projette quelque chose, c'est en réalité soi-même qu'on invente, qu'on projette. Nous voilà donc maintenant dans un pays entier persuadé que je suis un nègre. Et moi pas. La guerre est déclarée. Car si je ne suis pas ce qu'on m'a dit que j'étais, cela veut alors dire que vous n'êtes pas ce que vous pensiez être non plus. Et nous mettons là le doigt sur la crise en question. La prochaine fois, le feu, c'est un livre qui va rendre célèbre Baldwin. Il paraît pour la première fois en 1963. Vous dites, Samuel Legitimus, que c'est un texte qui est très simple à lire. C'est peut-être ce qui en fait sa force. Oui, c'est un texte concentré. C'est avant tout d'abord deux articles de presse qui sont parus en décembre 62 et qui ont eu un tel succès qu'ils seront réunis pour un livre de poche un mois après. Et la concentration des idées dans cette fluctuance d'événements de 63 donne à ce livre l'effet d'une bombe, parce que il y a un auteur qui a décidé de tout vous dire. Souvent, on parle dans la culture noire de secrets de famille qu'il faut pas mettre sur la table. Baldwin, lui, au contraire, il pense qu'il faut les mettre. Il faut les mettre en plein air pour en parler. Alors, vous parlez de secrets de famille, hein, c'est pas pour rien, parce que le premier de ces deux textes, c'est une lettre. Un chef-d'œuvre. Qui est donc une lettre de Baldwin à son neveu qui s'appelle James comme lui. Oui, absolument. Et en ce moment, nous sommes en train de faire des modules scolaires. On visite les collèges, le collectif, et on présente cette lettre. On offre la lettre aux jeunes, on la lit avec eux, parce que c'est une lettre qui sauve un enfant. Il y a énormément de pistes. Donc c'est une lettre qui dit quoi, alors ? C'est en fait le neveu de Baldwin, James, qui commençait, donc il avait 15-16 ans, qui commençait à ressentir le poids du monde blanc, dans sa vie et le peu d'avenir qu'il avait. Et il commençait à tomber dans l'amertume. Et la mère de Baldwin, Emma, de James, Emma, a demandé à son fils d'écrire une lettre à ce neveu. Mmh. Et donc, dans cette lettre, il lui dit « Oui, tu as peur. Oui, tu penses qu'il y a un poids de l'homme blanc dans le monde. Oui, etc. » Et il dit « Et tu as raison, mais tu es ici chez toi. » Ne t'en laisse pas chasser. Et il va lui donner toutes les raisons pour lesquelles il a encore des possibilités. Mon cher James, voilà 5 fois que je commence cette lettre et 5 fois que je la déchire. Constamment, je vois ton visage, qui est aussi le visage de ton père, mon frère. Comme lui, tu es coriace, sombre, vulnérable, ombrageux, avec ce qui pourrait très bien passer pour un côté querelleur, parce que, pour rien au monde, tu ne voudrais pouvoir être pris pour un lâche. Peut-être en ceci ressembles-tu à ton grand-père, je n'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est que ton père et toi-même lui ressemblaient beaucoup physiquement. Quoi qu'il en soit, il est mort, il ne vous a jamais connu, et sa vie a été misérable. Il avait perdu la partie longtemps avant de mourir, parce que, au fond de son cœur, il croyait vraiment ce que les Blancs disaient de lui. C'est en partie à cause de cela qu'il devint un tel saint. Ton père t'a certainement parlé de tout cela. Ni toi, ni ton père ne manifestaient de fortes tendances à la sainteté. Vous appartenez véritablement à une autre époque. Est un produit de cette migration des Noirs vers ce que feu E. Franklin Frazier appelait les cités de destruction. Tu ne seras détruit que le jour où tu croiras vraiment être ce que les Blancs appellent un « nigger ». Cela, je te le dis parce que je t'aime. Et s'il te plaît, ne l'oublie jamais. Tâche de discerner à travers cette tempête qui fait aujourd'hui rage autour de ta jeune tête la réalité qui se dissimule derrière ces mots acceptation et intégration. C'est ça quand même le cœur du message, me semble-t-il, de cette lettre de Baldwin. C'est finalement l'intégration qu'on te demande. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Et il dit aussi un petit peu plus loin, tu n'as pas de raison de t'efforcer de ressembler aux Blancs, mais en même temps, leur impertinente conviction qu'ils ont de devoir t'accepter est tout autant sans fondement. Donc il y a vraiment ces deux bouts de la chaîne qui sont tenus là par Baldwin, Samuel Legitimus. Oui, et en même temps, il faut savoir que Baldwin, et il l'a écrit, quand il était jeune, il avait honte d'être noir et que ça a été tout un processus de libération. Quand il est venu à Paris, il a dit « il m'a fallu du temps pour vomir mon amertume, pour essayer de me réapproprier à moi-même ». C'est ce long processus qui donne à Paris, par exemple, ces 9 années, une aussi grande importance dans le parcours de Baldwin. Et c'est pour ça qu'on va fêter Baldwin dans un an, le collectif, parce que on n'en parle pas assez de ce que Baldwin a trouvé ici, mais dont il se servira pendant les droits civiques et dont il se servira pour son neveu. C'est lui dire, sache d'où tu viens, si tu sais d'où tu viens, il n'y a aucune limite à là où tu peux aller. Mmh. C'est une phrase que je répète aux jeunes en leur disant, interrogez vos parents, demandez-leur qu'est-ce qu'ils font là, d'où ils viennent, vous avez tendance à ne pas savoir, donc vous êtes comme des feuilles au vent. Vous êtes les maillons d'une longue chaîne, vous êtes les derniers, et donc si vous savez parfaitement qui vous êtes et d'où vous venez, Votre avenir est assuré. Donc on l'a dit, la prochaine fois, le feu, ce sont 2 textes. On a déjà parlé du premier, on n'a pas donné son titre. Et mon crachat trembla. Et mon cachot, pardon. Ça aurait été aussi un excellent titre. Et mon cachot trembla, et c'est une citation de la Bible. C'est oui, une citation qui est détournée comme souvent. Là où je veux en venir, c'est que il y a toujours un ton qui est un ton chrétien avec des racines chrétiennes chez Baldwin, oui. Et en particulier dans ce texte-là. Ben, comme vous le disiez hier, Baldwin a été prédicateur prodige de 14 ans à 17 ans avant de voir le mensonge de l'Église et l'Église qui invitait plutôt les gens à se protéger, à vivre en sécurité, voilà, hors du monde. L'Église, c'est une protection alors que ça devrait être autre chose. C'est une prison aussi. Et Baldwin, grâce au fait qu'il s'est sorti de cette hypocrisie de l'Église, va toujours dire « je prêche l'amour en dehors de l'Église ». Mais ce côté chrétien, il l'a eu aussi par Emma Berdie Jones, sa mère, qui elle, pour lui, il disait souvent « elle, c'est une vraie chrétienne ». Elle me disait souvent « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à tes frères ». Et donc, Baldwin, il l'a, bien sûr. Pourquoi tous ces titres religieux? Parce que c'est la matrice. Le deuxième texte est intitulé « Au pied de la croix » et sous-titré « Lettre d'une région de mon esprit ». Mais une majorité des titres de Baldwin sont tirés soit du profane, des blues, soit du sacré. Pourquoi? Parce que c'est la matrice du peuple noir. Parce que les prédicateurs étaient les premiers révolutionnaires pendant l'esclavage et après, c'étaient les leaders. Et donc, Baldwin, c'est la force des textes. Il sait ce que revêt pour la communauté certaines phrases, certains titres, certains negro spirituals. Et il s'en sert. C'est une clé. Et d'ailleurs, je déplore qu'on détériore les titres en français parce qu'on perd un peu la trace. Baldwin mettait énormément de temps à trouver les titres et on les remplace d'un tour de main. C'est dommage. Mais oui, le titre « Et mon cachot trembla » veut bien dire ce que ça veut dire. Et ça, oui, veut dire « et de l'espoir » parce que même quand t'es enchaîné, il y a un jour où tes chaînes tomberont. Il y a aussi un style qui est un style un peu de prédicateur, mmh, une manière d'haranguer le lecteur dans ce texte-là. On a pu dire d'ailleurs que Baldwin faisait un peu office de prophète dans la prochaine fois le feu, oui, Samuel Legitimus. Mais il a décidé, lui, au moment où il quitte l'Église, non pas de ne plus croire, mais d'insister sur une véritable religion. Religion d'amour, religion de compassion, religion de concernement à l'autre. Et il sait, et c'est ce qui le rapprochera d'ailleurs de Martin Luther King, que par ses discours et par... Vous savez, la plupart des membres de la communauté noire ne lisent pas. Mais ils vont à l'église et ils ont un langage extraordinairement fleuri par l'église. Et donc, nous sommes un peuple de l'oralité. Mmh. Et donc, même dans la musique, Baldwin disait, notre histoire, à nous, Noirs américains, c'est dans la musique qu'elle existe. Donc la force de la musique, des blues, des gospels, peuvent servir de véhicule. Donc, message d'amour. Dans la préface que Christiane Taubira a donnée récemment à ce texte dans l'édition de Folio, c'est une préface extrêmement élogieuse. Elle parle de ce texte comme d'une pépite, mais ça pourrait être aussi vu comme une grenade, ce texte-là, puisqu'elle achève sa préface en disant qu'il faut prendre à la lettre l'avertissement contenu dans le titre « La prochaine fois, le feu ». Oui, prendre parce à la lettre. Oui, parce que je ne sais pas si les auditeurs entendent bien ce que Christiane veut dire. Elle veut simplement dire que on a différé ce règlement que Baldwin il appelait de ses vœux. Ça veut dire que blanc et noir relativement conscients, tels des amants, se mettent ensemble à influer sur la conscience des autres. Voilà. Et on l'a pas fait. Il y a eu pas mal de libéraux américains qui faisaient montre de le faire sans le faire. Il y a eu, qui ont abandonné d'ailleurs Martin Luther King dès qu'il a parlé du Vietnam. Mais voilà, ça veut dire que cette prochaine fois le feu, elle a eu lieu quelques mois après l'édition de ce bouquin. On a fait de Baldwin effectivement un prophète. Mais le vrai feu, il est toujours pour plus tard si on ne règle pas réellement ce qui se passe. Et Baldwin, il ne joue pas en grenade. C'est un plaidoyer ultime, en disant « Attention, il n'y aura plus de plaidoyer après ce que je vous propose. » Et que ce texte soit encore d'une force insensée aujourd'hui, invite tout le monde à essayer de se poser la question « Est-ce que l'on traite les bons sujets ?» Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors ça amène évidemment une question, ce que vous dites Samuel Legitimus, c'est de savoir dans quelle mesure Baldwin est notre contemporain. C'est vrai que quand on apprend par la presse qu'un homme noir est assassiné, tué parce qu'il tenait un tuyau d'arrosage et qu'on l'a pris pour une arme et qu'un policier lui tire dessus, on a le sentiment qu'il est en effet toujours notre contemporain. J'imagine que c'est également votre avis. Il faut lire et relire Baldwin sans cesse. Bien sûr, mais pour moi, le drame, c'est qu'on ait laissé Baldwin de côté pendant 30 ans. Il y a eu deux générations qui n'ont pas été nourries de Baldwin et l'ancienne génération l'a oublié. Ce qui veut dire que l'on n'a pas fait notre devoir de mémoire ou de transmission. Et Baldwin, parce que je m'y intéresse, est un parmi beaucoup d'autres. Mais là, par exemple, on parlait du texte de Lançon, Le Lambeau. J'aurais adoré voir ce que Baldwin aurait dit par rapport à ces événements. Parce qu'avec sa plume, il aurait été derrière ces choses en nous expliquant à quand remontent réellement tous ces problèmes. Parce que bien sûr, ils ne sont pas dans l'actualité pour rien. Ils ont de longues racines. Et à force justement de ne pas essayer de se mettre ensemble autour d'une table et de régler les problèmes, de parler sincèrement de ces trous de l'histoire, eh bien, ça nous revient en boomerang, avec une force terrible et apocalyptique dans la figure. Mmh. Voilà ce que Baldwin, en quoi il est notre contemporain. On a besoin d'intellectuels publics tellement investis comme une sorte de passion, parce qu'il y a une passion, Baldwin, c'est d'essayer de rendre le monde meilleur pour notre futur, nos enfants. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, Samuel Legitimus, que vous regrettiez un certain nombre de titres de James Baldwin. Vous regrettez aussi, je crois, que les rééditions qui se font en ce moment ne soient pas des retraductions. Ah, bien sûr. Bien sûr. L'un de nos travaux avec le collectif, c'est d'essayer de noter toutes les erreurs de traduction depuis 20 ans. Et il y a quasiment des passages qui sont omis. Et j'aimerais qu'on m'explique pourquoi. Omis, c'est-à-dire omis. Qu'il y a des passages qu'on a oubliés. Ça veut dire qu'il y a des passages oubliés. Entiers, oubliés ou non traduits. Et il y a, on sait très bien qu'au bout d'une cinquantaine d'années, il est de bon ton quand même de retraduire parce que la langue bouge. Et avoir un texte de 1963, c'est bien, on le comprend, on le lit. Mais Baldwin, il écrivait comme il parlait. Et excusez-moi, mais quand on lit la prochaine fois Le Feu, je pense qu'on n'a pas la vraie voix de Baldwin. On a le sens des mots, mais on n'a pas... le texte anglais est largement plus facile que la traduction. Mmh. Le texte anglais, un enfant de 13-14 ans peut le lire. Ah bah ça, c'est une incitation à lire directement dans la langue. Et finalement, c'est absolument. C'est une bonne lire chose d'une Baldwin certaine manière. Dans la langue, c'est encore mieux. Il est notre contemporain aussi, Samuel Legitimus, parce que finalement, toute la question de Baldwin, c'est la question de l'identité. Mmh. Et aujourd'hui, cette question-là, elle est sans doute plus prégnante, sans doute plus présente que jamais dans la société, la question de l'identité, de toutes les identités. Et lui, il est justement représentatif d'un mélange de plusieurs identités. Absolument, absolument. C'est Baldwin, c'est « Je suis un être humain, vous m'avez dénié de ce droit, vous avez dénié à mes parents, à mes grands-parents, à mes arrière-grands-parents, vous êtes en train de le dénier à mes neveux, à mes nièces, et pour aucune raison valable. Et donc, moi, je me suis fui parce que j'ai cru un temps ce que vous disiez de moi. Je me suis réapproprié à moi-même, et maintenant, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, c'est que cette identité que je porte, si vous me la déniez, vous vous déniez votre propre identité. Donc c'est toujours un miroir. C'est un miroir. C'est jamais un discours qu'il porte seul depuis son point de vue d'homme Virginie noir. Depardieu. C'est toujours un dialogue finalement avec l'autre. Virginie Depardieu parlait de cette figure du miroir qu'on retrouve beaucoup, beaucoup dans les bouquins de Baldwin, qui est je suis votre reflet, vous êtes le mien, et un reflet, il est là pour mentir. Et la réalité va au-delà du reflet. Il faut voir sous notre... Et c'est pour ça que Baldwin, c'est une invitation à accepter notre complexité humaine. les bons côtés comme les mauvais. Le travail intérieur est important chez Baldwin. Quand on lit Baldwin, c'est un dialogue entre lui et nous. C'est souvent un dialogue intime. C'est pour ça qu'il est très difficile d'en parler le plus souvent. C'est que c'est un dialogue intime entre le lecteur et lui. Mmh. C'est une invitation, un aller-retour. Un bouquin de Baldwin, on ne le lit jamais. On le visite et on le revisite. Moi, sur 25 ans, j'ai lu multiples fois les mêmes livres chez Baldwin. Merci beaucoup Samuel Légitimus. Je rappelle que vous êtes fondateur et président du collectif Baldwin qui travaille, on l'a entendu, hein, depuis une vingtaine d'années à faire vivre sa pensée. Vous avez ainsi organisé et animé de nombreuses manifestations culturelles consacrées à l'écrivain américain, comme par exemple le week-end James Baldwin qui s'est déroulé au Musée de l'Homme, c'était en décembre dernier. Demain, pour parler de la vision de l'homosexualité par Baldwin, et puis aussi pour parler davantage de littérature et en particulier de son livre « Si Beale Street pouvait parler », nous recevrons d'abord l'universitaire Jean-Paul Rocky, puis l'écrivaine Geneviève Brisac. N'oubliez pas nos podcasts, et notamment, par exemple, notre série sur Marie Scondé, dont certains thèmes recoupent l'émission d'aujourd'hui. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et sur Twitter. Mais tout de suite, c'est la poésie, et c'est avec Jacques Bonnafé. Bonjour, bonjour à tous. L'escalier est sombre, nous arrivons à notre chambre. Le colloque des télépathes, publié à l'attente, est un texte de Sandra Moussempès. Dans le regard d'une voisine placée devant la grille, sommes-nous blondes apprêtées, maîtresses de maison, voisines commères, pendant qu'un vieil homme nous ouvre gentiment la grille ? Les dialogues étaient inaudibles exprès, il fallait comprendre le système. Les seconds dialogues reprennent du poil de la bête lorsque la servante entre avec l'argenterie. C'est un film sur le mariage sans les maris, les maris, les maris. Une petite fille, sortie pour jouer, perdue dans le parc. Colloque des télépathes qui réunit les sœurs Fox qui communiquaient avec les esprits. Les femmes ont en commun leur nez refait. Où en étais-je ? Et d'ailleurs sommes-nous aujourd'hui ou avant-hier ? Si aujourd'hui était demain, vous ne vous souviendriez même pas de moi. Si nous étions demain, vous seriez assise devant le guéridon, là-bas. Et voilà qu'apparaît, dans notre montage, Emily Dickinson. Je mourus pour la beauté, mais à peine étais-je ajustée dans la tombe qu'un être mort pour la vérité fut couché dans une chambre adjacente. « Pourquoi tomber ? » souffla-t-il. « Pour la beauté, » répondis-je. « Et moi pour la vérité. Elles ne font qu'un frère, nous sommes, » dit-il. Alors, comme des parents réunis un soir, nous causâmes de chambre à chambre avant que la mousse ait atteint nos lèvres et recouvert nos noms. Sandra Boussempès, bluffée par ma décoction d'épines et de ronces fripées, je pense que parfois je déteins sur d'autres femmes, que je détiens leur vérité, ce qui n'est pas sans conséquence. Colloque des télépathes de Sandra Boussempès est aussi un album CD nommé Post-Gravida, c'est la bande-son du livre. Séquence Princesse de la rime, liant la pensée au reste de la forêt. Nous ne voyons jamais nos interlocutrices ni leurs accouplements. Princesse corporelle cachée dans une armoire pleine de manteaux rose pâle. Le poème est une entité comme une autre, il comporte des yeux et des paupières. Lorsqu'une silhouette flottante s'ébroue, quelqu'un voudrait la photographier. Mais ce qu'il voit ne s'incruste pas dans la pellicule, il s'agit d'une seconde preuve d'immatérialité dont on donnera le film à la science. À la façon d'exagérer une posture, nous découvrons un second indice sur les fallacieuses. Pas de poétesse plus rousse qu'une autre, ni de sœur habitant la France ou l'Écosse. Les boucles de cheveux d'une poétesse collectionnée au siècle dernier s'avèrent riches en molécules. Merci Jacques Bonnafé pour ces lectures des poétesses Sandra Moussempès et Emily Dickinson.